Ok, yeah, ok. T'as perdu lit, imaginary. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Ok. Just gonna stand there and hear me cry. Mais c'est alright, parce que j'adore ta façon mentir. J'adore ta façon mentir. Je peux pas te dire ce que c'est vraiment, je peux juste te dire à quoi ça ressemble. Et maintenant c'est un coup d'en ainsi dans mon artère. Je peux pas respirer quand je me bats encore. Je peux pas me battre tant que le mauvais ressemble au bon. C'est comme si j'étais dans un combat, défoncé à l'amour, bourré à ma haine. C'est comme si je soufflais de la peinture et j'aime plus que je souffre. Je suffoque et juste avant de me noyer, elle me ressuscite, elle me déteste. Mais putain j'aime ça, attends où tu vas, je te laisse. Non tu pars pas, reviens, on revient en courant. On y retourne, c'est tellement fou, car quand ça va si bien, ça va super. Je suis Superman avec le vent au dos. Elle est Lois Lane. Mais quand ça ne va pas, c'est horrible. J'ai tellement honte, je me mets des gifles. Qui est ce mec? Je connais même pas son nom. J'ai posé mes mains sur elle. Tu ne me baisses jamais si bas. Je pense que je ne connais même pas ma propre force. Non. J'aime ta façon de mentir, j'aime ta façon de mentir. Ok, ok. As-tu déjà aimé quelqu'un si fort que tu arrives à peine à respirer quand t'es avec elle? Et vous vous rencontrez, tu sais même pas ce qui la frappe. Tu as le sentiment chaud et flou, tu es habitué à la voir. Okay. Maintenant t'en peux plus de la regarder, tu t'es juré que tu ne la frapperais jamais. De ne jamais rien lui faire, maintenant tu es dans l'autre situation. En vomissant des mots et en crachant, vous vous tirez tous les deux les cheveux. Vous giflez, vous frappez, tombez à terre. Tellement perdu dans ces moments où tu es avec elle. C'est la haine, la coupable, ça vous étouffe tous les deux. Ils disent qu'il vaut mieux vous séparer. Je pense qu'ils ne vous connaissent pas. Non. Parce que aujourd'hui c'était hier, hier c'était fini. C'est un jour différent, on dirait un disque cassé qui joue continuellement. Et tu lui as promis la prochaine fois que tu te modéreras. Tu n'as pas une seconde chance. Non, ce n'est pas un jeu Nintendo, mais tu as encore menti. Et maintenant tu la vois partir par la fenêtre. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il l'appelle Caro. C'est pour ça que je suis sur le carreau. C'est pour ça que je suis sur le carreau. J'aime ta façon de mentir. J'aime ta façon de mentir. I love the way you lie. J'aime ta façon de mentir. Maintenant, je sais qu'on a dit des choses, fait des choses quand on pensait pas et on retombe dans le même modèle. 21 ans, mais ton tempérament est aussi mauvais que le mien. Tu es pareil que moi, mais quand il s'agit de t'aimer, c'est aveugle bébé, reviens s'il te plaît. Ce n'était pas toi bébé, c'était moi. C'était peut-être moi. Que notre relation n'était pas aussi folle qu'elle parie. Peut-être que c'est arrivé ce qui arrive quand une tornade rencontre un volcan. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime trop pour marcher et attendre. Reviens, prends les sacs sur le trottoir. Tu n'attends pas la sincérité de ma voix quand je te parle. Je t'avais dit que c'était de ma faute. Regarde-moi dans les yeux. La prochaine fois que je m'énerve, je mettrai un point contre le mur. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Je m'excuse même si ce sont des mensonges. J'en ai marre des jeux. Je veux juste qu'elle revienne. Je sais que je suis un menteur. Si elle essaie de repartir un jour, je l'attache au lit et brûle la maison. Car je vais juste, continuer à l'aimer. À l'aimer comme j'ai commencé. Je vais juste toi, bébé. À l'aimer, je me suis prêt à me tuer. Yeah. Je vais juste à l'aimer. Ok, ok. J'aime ta façon de mentir. J'aime ta façon de mentir. J'aime ma façon de mentir. Tu vas juste rester là et me regarder. Mais c'est pas grave parce que j'aime comme ça me fait mal. Mais c'est pas grave parce que j'aime comme ça me fait mal. Yeah. Tu vas juste rester là et m'écouter pleurer. Mais c'est pas grave parce que j'adore ta façon de mentir. J'aime ta façon de mentir. J'aime ma façon de mentir. Ok, je pourrais me tuer pour t'aimer. Je pourrais me tuer pour toi. Ok. J'aime ta façon de mentir. Ok.